plaisir de la vague. C'est pareil des suivantes, l'océan qui me charge, c'est la mer qui s'invente. Chaque fois le corail se croyait suffisant pour le grain de beauté de ta lèvre adorable. Pour une guerre sans reproche, ce qui nous rend la flamme, ce qui nous interroge, nous fait perdre la face. Un des six sentinelles, le naufrage de l'instant, évité lentement, selon l'angle du ciel. Veille au sommet du plaisir et le gars du soleil comme celui de la nuit. Celui qui veille au sommet du plaisir et le gars du soleil à l'abri des lumières.